Stephen King aime les épis, Stephen King aime le livre de Job, Stephen King a écrit Les démons du maïs et John Woodward l'a adapté. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au Vidéo Club de Castle Rock, je suis avec Chris, salut. Hello. Comment vas-tu? Écoute, ça va. Ouais, de nouveau depuis le dernier enregistrement qui a été bien il y a un mois. C'est vrai que ça commence à remonter. On attend toujours l'arrivée de l'été. C'est vrai que là c'est pas ouf. Il tarde à arriver, je demande pas forcément des températures élevées, mais au moins du soleil, ça pourrait être pas mal, quoi. Tu risques de le regretter hein, quand le soleil va arriver. Oui, mais parce qu'il va arriver avec des fortes températures, c'est ça le problème. Oui, voilà, c'est ça. Mais en tout cas, là, vu le temps, peut-être que les cultivateurs de maïs sont contents, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il faut pour le maïs. Moi non plus. En réalité, avec le décalage de saison et de trucs, je ne suis pas certain qu'ils soient très contents. Hein. C'est peut-être pas ce qu'il leur faut en ce moment. Ils ont déjà été contents. Non, c'est vrai. Peut-être pas. Mais c'est pas faute de les apprécier. Donc, au niveau des nouvelles autour de King, pour tout ce qui est prochain, roman, etc., il n'y a rien de sûr pour le moment, mais a priori, c'est certain qu'il est en train de finaliser un roman avec Holly, et il est en train de relire aussi Le Talisman et Territoire pour éventuellement écrire le troisième tome, qui était envisagé déjà avant la mort de Peter Straub, oui. Mais que du coup il devrait écrire seul. Et au niveau des adaptations diverses, ça avance de plus en plus pour l'adaptation de Marche ou Crève, ça je pense que maintenant c'est certain qu'on l'aura. Et il y a eu une nouvelle plus inattendue, encore assez floue, mais a priori il y aurait eu une adaptation lointaine de Misery, qui aurait été tourné en début d'année avec Jenna Ortega et The Weeknd dans les rôles principaux. Mm-hmm. Mais c'est un truc dont on n'a pas du tout entendu parler avant. Là, c'est The Weeknd qui en a plus ou moins parlé en disant que ça ne trouvait pas de distributeur. Ça a l'air un peu confus comme histoire. Et puis ça sort tellement de nulle part que pas très encourageant, quoi. Ouais, mais visiblement, c'est tourné, quoi. Si, ouais, si j'ai bien d'accord. Compris, donc je sais pas. C'est surtout bizarre d'avoir fait ça en scred, quoi. Oui. Bah, et puis surtout, vu les rumeurs qu'il y avait autour du dernier truc où il était The Weeknd, la série The Idol, je suis pas certain de vouloir voir Misery par lui, parce que si j'ai bien compris, The Idol, c'était déjà très très limite au niveau du message sur les relations entre les personnages. Je sais pas ce qu'il peut faire avec Misery hein, dans ce contexte-là. Du coup, j'ai des flashs qui viennent en tête et non, j'ai pas envie. Après, bon, j'aime bien Jenna Ortega, par contre. Donc bon. Mais ouais, étrange projet. Oui. Mais bon, on verra. Hein. Peut-être on n'est pas à l'abri non plus d'une surprise, après tout. Ah oui, oui, clairement. On attend de voir, dans tous les cas. Mais c'est vrai que le projet Marche ou Crève donne déjà beaucoup plus envie. Déjà parce que adaptation inédite. Ouais. Et parce que bah, c'est un roman qu'on aime tous les deux beaucoup. Oui, c'est ça. Apparemment, ça avance aussi pas trop mal du côté du Running Man de Edgar Wright. Il y a des nouvelles qui tombent de temps en temps, donc ça semble plutôt en bonne voie. Même si on a déjà des preuves avec Edgar Wright qu'il n'a pas de chance avec certains projets et que ça peut tomber à l'eau en un claquement de doigts chez lui. Enfin bref, on verra ce que rendront toutes ces adaptations. De toute façon, il y en a bien un certain nombre qui vont aboutir. Je suis vraiment surpris qu'on n'ait pas encore de nouvelles d'achat des droits des nouvelles du dernier recueil. Hein. D'habitude, ça va plus vite que ça. De Si ça saigne ? Ah non, ou de celui qui vient de sortir ? Non, de celui qui vient de sortir, You Like It Darker. Si ça saigne, si on sait que les droits sont déjà acquis, même si les projets n'ont pas l'air... Ah bah si, le projet Life of Chuck est quasiment fini. Je crois que ça sort relativement bientôt. Oui, Il y a eu le téléphone de monsieur. De Monsieur Monsieur, je ne sais Harrigan, plus. ouais. Harrigan, voilà. Ouais. Et si ça saigne elle-même, ça ne sera pas adapté tant qu'il n'y aura pas d'autres trucs qui auront avancé du côté des adaptations de Holly, je pense. Oui. Voilà. Et Oli, du coup, le nouvel écrit, ça fera son troisième récit toute seule? Ouais, c'est ça, son troisième seul et son sixième en tout, donc. Ouais. Et donc, il sera en train de bosser sur le quatrième de Holly seul. Voilà, d'accord. Donc voilà pour les petites actualités. Je propose qu'on démarre tout de suite l'épisode. Eh Il bien, allons-y. s'agit d'un cas un peu particulier puisque ce n'est pas un long métrage adaptant Les Démons du Maïs, mais un court métrage qui a été mis dans un DVD anthologique. On va dire ça comme ça, je vais détailler un peu plus. On va spoiler la nouvelle et le court métrage, même s'il n'y a pas grand-chose à spoiler et qu'on a déjà fait 150 épisodes dessus. Ah oui, voilà, c'est ça. Au bout d'un moment, je pense qu'on les connaît, ces saloperies de Voilà. gamins. Ça finit toujours pareil. C'est parti. Alors, on va parler un peu de ce projet Conte Macabre parce que c'est quelque chose d'un peu particulier. En réalité, au départ, Conte Macabre en anglais, c'est quelque chose qui s'appelle Nightshift Collection. Nightshift Collection, à l'origine, c'est une VHS qui est donc sortie en 1986 pour la première fois et qui regroupait deux Dollar Baby, donc deux courts-métrages dont les droits avaient été vendus pour quasiment rien par King. Il y en a un, c'était The Boogeyman, réalisé par Jeff C. Shiro, et le deuxième, c'était The Woman in the Room, adapté d'une nouvelle qui s'appelle Chambre 312 en français, réalisé par Frank Darabont. Et en fait, les deux avaient été collés l'un à l'autre et ça faisait un programme d'à peu près 1 heure à mettre sur VHS pour vendre dans les vidéoclubs. Visiblement, déjà, ces deux-là, la légalité était assez douteuse, parce que normalement, le truc avec les Dollar Baby, c'est que ça peut pas être distribué n'importe comment. C'est pour que des cinéastes puissent se faire la pâte, diffuser ça en festival, éventuellement le montrer comme une carte de visite pour montrer ce qu'ils savent faire à des producteurs, mais c'est pas censé vraiment circuler. D'accord, oui, ok. Donc cette VHS déjà est d'une légalité assez douteuse, mais elle circule tout de même pas mal parce que ces années vidéoclub, on sait ce que c'est le rapport à la légalité de certains trucs à cette époque-là. Oui, avec les doubles magnétoscopes qui te permettent de faire des copies instantanées. Ouais. C'était la mode à l'époque. Il n'y avait pas Internet, c'était beaucoup plus dur de surveiller en réalité ce qui sortait, ce que chaque éditeur, des gens qui s'autoproclamaient éditeurs limite, pouvaient faire. C'était beaucoup plus difficile à sauvegarder. Surveiller, pardon. Tu pouvais pas avoir de suivi sur ce que les gens copiaient entre eux, c'était pas possible. C'est ça, à moins de tomber dessus vraiment dans les rayons. Voilà. Ou à la sauvette en pleine rue, quoi. Oui aussi. Donc ça circule pas mal, Nightshift Collection, et en 89, il y en a une deuxième fournée qui arrive, encore moins officielle, pour le coup, celle-là c'est carrément sûr qu'elle est illégale, c'est fait par un autre éditeur d'ailleurs, hein, c'est pas le même que celui qui avait lancé le premier Nightshift Collection, avec cette fois-ci Disciples of the Crow, donc l'adaptation des Les Démons enfants du du maïs. Maïs, et The Night Waiter, le poste de nuit ou veilleur de nuit de Jack Garrett, qui n'est pas du tout une adaptation de Stephen King, mais il s'était dit, bon, il y a un des deux trucs dans notre cassette qui est une adaptation de King, ça fera le café, les gens ils vont y croire, on va vendre ça. Toujours est-il qu'aux États-Unis, c'est ça qui s'est vendu, donc à peu près 40 minutes de programme, ce qui fait qu'on a perdu 20 minutes hein, par rapport au premier Nightshift Collection où les deux courts-métrages faisaient une demi-heure chacun. Oui. Bref. Et les deux Nightshift Collection circulent pas mal sous différentes éditions. Il y a les courts-métrages qui se mettent à être vendus indépendamment aussi, comme ça t'achètes une VHS à prix complet, t'as une demi-heure de film dessus, c'est super. Et il y en a une partie qui arrive en France, mais pas tout. Par exemple, le premier Nightshift Collection, donc le Darabont et l'adaptation de The Boogeyman, c'est jamais arrivé en France, ça a jamais été doublé. Nous, on a eu que l'arrivée du deuxième, avec donc Disciples of the Crow et The Night Waiter, et sans que je sache pourquoi, en France, on a jugé utile d'y ajouter un troisième court-métrage, Killing Time, pour arriver à un programme d'ensemble d'à peu près 1 heure. Et donc c'est ça qui nous est arrivé finalement en DVD, donc dans une légalité toujours aussi douteuse. Hein. C'est pour ça que ça n'a pas été réédité depuis les débuts du DVD et que c'est un DVD dégueulasse qui est clairement un VHS rip. Oui. Parce que voilà, c'est très flou ce machin-là et que maintenant on peut plus tout à fait autant faire n'importe quoi. Du moins plus aussi facilement, il y a plus de risques. Oui, il y a un suivi qui est quand même bien mieux fait aujourd'hui. Il y a encore des éditeurs pirates qui ont pignon sur rue, hein, mais Oui. heureusement, ça se raréfie un petit peu et peut-être moins autour des trucs où un nom comme celui de King va être attaché. Donc voilà, nous, on a trois courts-métrages dans cette histoire. Un éditeur allemand a édité isolément Disciples of the Crow sous le titre The Night of the Crow, donc tu peux trouver un DVD allemand de 20 minutes. Voilà, c'est super. Oh Et on peut putain. aussi le retrouver en bonus sur une édition DVD des trois premiers Démons du Maïs, qui présente la saga Démons du Maïs comme une trilogie. Bien sûr, on y croit. Il semble que Killing Time, pour le coup, c'est présent que sur l'édition française. C'est trouvable nulle part ailleurs. Je sais vraiment pas où ils ont déterré ce truc. Et on peut trouver cette version, donc avec trois courts-métrages en compilation avec L'été de la peur de Craven dans une édition 2 DVD prix choc. Voilà. Waouh. L'été de la peur, quoi. Ouais. Waouh. C'est vraiment pas son meilleur, hein. Ah non, clairement pas. Tant qu'on est donc dans les déboires éditoriaux de ce truc-là, je trouve une autre édition du DVD où le seul réalisateur mentionné, c'est John Woodward. John écrit John. On sent l'édition qui a été bien soignée. Et derrière, sur le dos de la jaquette, la mention par le réalisateur de Maximum Overdrive et de Cujo. Voilà, Ah putain, merde. hop. Oh, c'est approximatif, quoi. Ah oui. Ah putain, oui, quand même. Et comme la plupart des éditions DVD, ça indique une durée de 1h20, mais a priori c'est complètement une erreur, dont je me dis qu'elle est peut-être volontaire pour gonfler un peu artificiellement la durée du truc, puisque y a pas mal d'éditions qui mentionnent cette durée d'1h20, alors que à l'intérieur En on a fait, un programme de 1h03. 1h03 à peu 1 près, heure et voilà, trois c'est ça. minutes. C'est ça. Magnifique. Cela dit, c'était du coup la bonne surprise quand tu lances le bousin, quoi. Un petit peu, ouais, faut admettre. Actuellement, donc pour les notes, c'est un peu difficile à donner. Donc l'ensemble des trois courts-métrages a 3,8 sur 10 sur Sens Critique, ce qui le placerait grosso modo, remis en note Allociné, 65e à égalité avec Riding the Bullet et La Créature du Cimetière. Et Disciples of the Crow a 5,2 sur IMDb. Je me suis servi de ça pour le classer vis-à-vis de Rotten Tomatoes, mais c'est approximatif, ce qui le place à peu près au même niveau que Golden Years. Voilà. Ok. Mentionnons très rapidement les deux autres courts-métrages. Donc The Night Waiter, c'est réalisé par Jack Garrett, ça date de 87, et Killing Time, c'est réalisé par Damian Harris, ça date de 84, et il y a Eric Stoltz dedans, c'est le seul nom un minimum connu du casting de l'ensemble des trois, donc je le mentionne. Et Disciples of the Crow, c'est un Dollar Baby daté de 83, donc qui date d'avant le premier long-métrage Les Démons du Maïs, et c'est de celui-là qu'on va parler un peu plus en détail. Donc il est réalisé et scénarisé par John Woodward, qui derrière n'a pas eu une énorme carrière. En fait, il a fait deux longs métrages, en 90 Neurotic Cabaret et en 2000 Vice. Et il a fait deux, trois trucs en production par-ci par-là, mais voilà, j'ai pas trouvé grand-chose sur lui. Au casting, nous retrouvons Elise Lester dans le rôle de Vicky, qui a une petite carrière derrière, mais dans des téléfilms, des DTV, des épisodes de séries. Elle est dans plusieurs épisodes de Walker Texas Ranger, mais à chaque fois dans un rôle différent. Et a priori, les Disciples du Corbeau, c'était son premier rôle. Son mari, Gabriel Foltz, est joué par Gabriel Foltz, le mari s'appelle Bert, c'est aussi son premier rôle, et lui, derrière, il a des encore plus petits rôles. Billy, jeune, donc le gamin principal, est joué par Steven Young. Son seul autre crédit, c'est qu'il joue un habitant de Traumaville dans Toxic Avenger 2. Et a priori, Billy adulte, c'est John Woodward, donc le réalisateur, qui l'interprète. D'accord. La photographie est de Johnny Stevens. Lui, le seul autre truc que j'ai trouvé indiqué sur IMDb, c'est une émission spéciale de Bing Crosby en 68. Ah oui, quand même. Ouais. J'ai vraiment raclé le fond hein, sur cet Ah épisode. putain. Et la musique est de Bill Averbach, qui aurait aussi fait la musique d'un court-métrage appelé Orbit en 2012. Je dis aurait parce que j'ai trouvé aucune trace du court-métrage. Je ne sais pas si c'est réellement sorti. Des fois, IMDb est un peu flou sur ce genre de questions. Ouais. Comme je pense que ce n'est pas un nom très fréquent, Bill Averbach, surtout le nom de famille, Je suis tombé sur un Bill Averback qui dirige un jazz band, donc c'est très possiblement lui, donc a priori maintenant il aurait un jazz band qui ferait de l'événementiel principalement. Ok. Mais qui a rien enregistré, voilà. Eh bien, un grand bien lui fasse. Oui, ça peut être bien, un jazz band. Apparemment, ils ont bonne réputation. Peut-être pas le bon Bill Averback, mais. Son jazz band a bonne réputation. Bert, nous devrions ramener le corps à Newton. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Et tu me demandes ce qu'il y a ? Mais cette ville est inhabitée. C'est juste une impression. Tout le monde doit être à table, je suppose. Il n'y a personne. Tu vas t'arrêter un peu. Je m'arrêterai quand on ira dans l'autre direction. Allez, partons d'ici. Où est-ce que tu vas ? Je vais demander où les gens sont passés, le panneau indécouvert. Tu entends ? Entendre quoi ? Tu n'entends rien ? Tu n'entends pas quelque chose ? J'entends des enfants, pas toi ? Donc voilà tout ce que j'ai à dire sur la production de ce truc-là, et on va pouvoir passer à nos avis. Vas-y. De ce truc-là, quoi. C'est comme ça que tu m'envoies la patate chaude, quoi. Bah écoute, ça dure 18 minutes, tant mieux. Non, allez, plus sérieusement, c'est pas la pire adaptation des Enfants du Maïs qu'on a vue, pour la simple et bonne raison que celle-là, au moins, elle va droit au but. C'est pas gavé de furitude qui ne sert à rien. Le jeu d'acteurs, bon bah, c'est des gens qui crient, qui parlent et qui hurlent. Les gamins, ils sont inexistants, il n'y a pas toute l'histoire du culte autour. Ou alors vraiment, vraiment en substance, même pas développée, quoi. Parce qu'il y a un poignard en forme de corbeau, du coup tu te dis, mais en fait c'est le culte du corbeau ou le culte du maïs, tu sais plus. C'est très perturbant. Ça reprend en fait vraiment uniquement l'introduction de la nouvelle, c'est-à-dire les personnages qui arrivent, renversent un enfant, arrivent en ville et ils se font attaquer par les gosses et puis ils se barrent direct en fait, ça prend pas tout le reste. Donc ça a le mérite, encore une fois, d'être expéditif et c'est peut-être ça qui fait que c'est pas la pire adaptation qu'on ait vue des Enfants du Maïs. Puis au-delà de ça, bah, que dire, si ce n'est que bah, la photographie elle est inexistante, bon bah le jeu d'acteur ça brille pas. Voilà, qu'est-ce que tu veux dire de plus, ça dure que 18 minutes quoi. Oui, effectivement, bah, on sent que c'est un projet semi-amateur, en réalité, fait par des étudiants en cinéma, très certainement, mais des étudiants et c'est pour ça quoi. Et c'est pour ça qu'au final, j'ai même pas envie d'être violent envers ça, quoi. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est dur à juger comme un truc entièrement professionnel. Les mecs devaient avoir 1000 balles de budget, bah voilà, bah, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec 1000 balles de budget. Ouais, c'est vrai que c'était pas forcément beaucoup, beaucoup plus. Hein. Au moins, ça a le mérite de pas être catastrophique, quoi. Oui, bah c'est principalement parce que c'est court, parce qu'à côté de ça, c'est quand même pas exceptionnellement bien joué. Voilà. Donc ça aurait duré 1h30, ça aurait été insupportable, hein, je pense. Oui, oui. La BO aide pas, hein, parce qu'il y a une scène qui aurait pu être un peu inquiétante, c'est quand la femme est toute seule dans la bagnole et que tu vois en fond les gamins qui se rapprochent de plus en plus. Et là, à ce moment-là, t'as une espèce de musique bizarre qui pourrait sortir d'un épisode de Benny Hill, tu comprends pas. Puis, mais qu'est-ce que c'est que ce choix de BO ? C'est bizarre. Ouais, très ouais, elle est très, très étrange, la BO. Alors qu'avec une vraie BO bien travaillée, ça aurait pu rendre la scène vraiment un peu inquiétante, quoi. Après, le fait qu'on l'ait vu en VHS avec une qualité, enfin, qualité VHS avec une qualité de mix très mauvaise, ouais, ça aide pas non plus pour profiter de ce qui est musique et bruitage. Clairement, on est d'accord. Bon, le doublage est pas très bon. Hein. Non, non, mais français, ça. Je veux dire, mais voilà, ça, on peut pas l'imputer. Au film, ça, lui, oui. Il est pour rien. Mais ça aide encore moins à rentrer. À s'impliquer. Dire. Voilà, c'est ça. Ça change effectivement la fin, même si c'est pas totalement une fin heureuse, parce qu'a priori, leur voiture va tomber en rade, donc on peut supposer qu'ils vont se faire rattraper. Mais aucun des deux ne meurt dans le court-métrage. Mais notamment tout le début, par contre, est une adaptation certes très speedée, mais plutôt fidèle de la nouvelle. Avec dispute dans la voiture, avec la dispute, voilà, ils arrivent le corps d'enfant qu'ils retrouvent, qui est déjà blessé, etc. qui du coup m'a rendu presque joyeux parce que je me rappelais de l'adaptation de Donald Pebersher, donc la première qu'on avait faite, où je sais pas si tu te rappelles, mais tout était étiré à mort et la dispute elle durait une éternité. Oui, oui. C'était beaucoup trop long pour ce que ça avait à montrer et à raconter. Ouais, ouais, c'était terrible. Toutes les adaptations fidèles qu'on a vues, donc les deux. Celle de Pebersher et l'autre, le remake, de je sais plus quelle année. Bah, du coup, c'était l'original de Fritz Kirsch. Ah non, oui, du coup, voilà. L'original et le remake de Borcher, les deux traînent énormément en longueur, quoi. Oui, bah, en même temps, vu la longueur de la nouvelle, oui. C'est ça, encore une fois. Comme souvent, le problème d'adapter, on dit une heure et demie, quelque chose qui ne dure que... combien les enfants du maïs 30, 40 pages, je sais plus. Ouais, un truc comme ça, oui. Les adapter de manière fidèle, en tout cas. Il y a quelques idées où je sais pas si c'était une bonne idée, si ça aurait pu marcher en étant mieux fait. Mais par exemple, le sentiment que leur culte est fait à partir de briques et de brocs et de jouets d'enfants, tu sais, avec l'espèce de canard... Oui. Qui est sur balancier, qui plonge son bec dans un verre d'eau et du coup, il y a une goutte qui remonte. Enfin, c'est très bizarre. C'est très bizarre, je me dis, ça aurait pu marcher en mieux fait si l'intégralité de leur culte, en fait, on avait senti que c'était fait avec des jouets d'enfants, avec des symboles de ce genre-là. Là, le fait que ce soit le seul, ça rend juste un peu bizarre, comme s'ils avaient que cet accessoire-là sur place au moment de tourner la scène. Et je vois ce que tu veux dire. Il y a aussi le grain de beauté... C'est pas trop que ça sort, quoi. Ouais. Il y a aussi l'énorme grain de beauté, ouais, oui, du mec, là. Pour qu'on reconnaisse bien que c'est le même. J'ai vu ça, j'ai fait, attends... Comment ça? Ouais, peut-être un peu abusé sur ce truc-là, surtout que ça se sent tellement que c'est un faux. Ah oui, voilà, c'est ça. Il manque plus qu'un énorme poil, comme pour faire un énorme poireau. Ouais, pour faire et puis là, comme c'est dans... bon. Ce serait extraordinaire. Pour faire comme dans Rabbi Jacob. C'est ça. Mais effectivement, il n'y a pas non plus mille choses à en dire, vu que c'est très court. C'est pas démesurément intéressant. Hein. Non. Mais bon, encore une fois, c'est compliqué de taper violemment sur quelque chose clairement amateur et clairement fait pour, comment dire, pour te faire un CV, en fait, tout simplement. Oui, mais oui, visiblement, ça n'a pas tellement marché de se faire un CV avec ça, en plus. Non, vu la carrière de tout ce monde-là derrière, ça n'a pas été un méga succès. Effectivement, non, ça n'aura pas servi à... beaucoup de choses. On peut dire un mot sur les deux autres courts-métrages, même si là, je pense qu'on pourra vraiment ne classer que le premier, parce que c'est même pas un projet de film à sketch, c'est vraiment trois trucs qui ont été collés ensemble sur le DVD, sans essayer de créer de lien. Mais bon, si vous voulez vous prendre le DVD, vous aurez au moins un avis rapide sur les deux autres courts-métrages que vous aurez dedans. Ouais, bah vas-y, je vous la marche avec le second, si tu veux. Le second, donc, c'est... un nouvel employé d'un hôtel, un tout petit hôtel qui débarque pour tenir un poste de... veilleur de nuit. Il y a un début d'ambiance, je trouve, avec des trucs, des plans d'éclairage dans des couloirs qui auraient pu bien rendre avec du meilleur matos. La fin est beaucoup trop abrupte, à tel point qu'elle en devient ridicule. C'est ce qui est dommage. Oui. Parce que clairement, je pense pas que ça soit le pire cours du DVD. Voilà. Bon, je pense même que c'est le meilleur hein, des trois. Oui, parce que le troisième est pas non plus catastrophique, mais disons que il se perd, quoi. Bah, le deuxième, donc The Night Waiter, effectivement, je trouve qu'il y a un travail sur les décors qui est pas mal et sur l'éclairage, c'est ce qui va être le principal intérêt. Ouais, il y a un petit début d'ambiance par moment. Pas trop mal joué, je trouve. Oui, celui-là, ça va, effectivement. Et ouais, la fin est trop abrupte. Après, j'aime bien le fait que quasiment tout du long, il joue la carte de l'humour. Oui, c'est une comédie. Voilà, il est beaucoup plus orienté comédie. Quand il n'y a pas le budget pour faire grand-chose, au final, avoir ce petit recul, ça aide aussi. Oui, on est d'accord. Ah oui, parce que là, niveau effets spéciaux, c'est vraiment le rat des pâquerettes. Hein. Oui. Il y a juste vite fait un costume qu'on voit, mais qui est même pas très bien fait. Oui, je pense qu'il avait peut-être un plus petit budget en réalité que oui, les disciples. C'est fort possible. Parce qu'il y a un décor qui est minuscule. Et puis à un moment, il y a un squelette et tu sens que c'est C'est le squelette qu'ils ont été. Ils ont été le chercher dans la salle de science du bahut. Et puis hop. Voilà. Un squelette gratuit. Donc voilà, celui-là est plutôt cool. C'est le plus court des trois, je crois. En tout cas, il m'a semblé court. C'est peut-être juste qu'il passe vite. J'ai un doute. Hein. Pour moi, je pense que l'adaptation des Enfants du Maïs est la plus courte. Ah ouais? Ah ouais. Oui, peut-être. T'as peut-être raison. 18 minutes, celui-là, du coup, il s'enchaîne direct et il se termine autour de la 35e minute, je crois. Ouais, bah c'est un peu équivalent dans ce cas-là. Et le troisième, par contre, qui lui est vraiment beaucoup plus long. Oui, quasiment une demi-heure. T'imagines quand même ceux qui ont acheté un DVD, enfin une VHS avec juste les deux premiers, 35 minutes de programme, l'arnaque. Ah bah oui, bah surtout, oui. Surtout que c'était pas donné, les VHS à l'époque. Oui, après en vidéoclub ça va encore, mais bon, quand même, quoi. Ouais, voilà, quand même. Et donc, le troisième, Killing Time, bah c'est un peu compliqué de le résumer. C'est un apprenti dessinateur de comics qui ne gagne pas encore sa vie grâce à ça. Il dessine des comics horrifiques, mais qui sont souvent refusés parce que les éditeurs les trouvent trop glauques. Donc il travaille dans un espèce de club à côté. Il va se rendre compte avec son meilleur pote qu'une personne qu'il connaisse vaguement a l'air dans un très mauvais état, comme si elle était shootée au médoc, complètement dépressive. Lui, il va pas vouloir intervenir, mais du coup, il va laisser son meilleur pote sur place pour s'occuper de cette personne. Son meilleur pote va disparaître et il va réaliser qu'il y a une espèce de complot pour transformer les gens en zombies qui travaillent dans une supérette. Oui, c'est très, c'est très bizarre. En fait, c'est très compliqué à résumer parce que je n'ai pas compris grand-chose. Ben voilà, c'est un peu mon souci. C'est que c'est particulier et le vrai problème, c'est le narratif qui est décousu et vraiment pas du tout compréhensible. Ouais. Et t'as beau essayer de... T'as beau te concentrer pour comprendre ce qu'on te raconte, bah non, t'arrives pas, parce que bah, c'est pas compréhensible, tout simplement. Et là, tout ce que tu viens de dire, avec les gens transformés en zombies pour travailler dans une supérette, vraiment, tu le comprends à la fin, en fait. Tu te dis, ah d'accord. Oui, c'est le twist final, ouais. Qui ne rime à rien, hein, parce que... Enfin, j'imagine qu'ils veulent faire ça pour avoir des employés pas chers, sauf que visiblement, il faut les changer tous les deux jours. À mon avis, zombifier quelqu'un, c'est quand même plus se casser le cul que de payer un étudiant au SMIC. Ah oui, je pense, oui. Complètement con. Oui, il y a des tentatives au niveau de l'ambiance, au niveau du visuel, notamment dans le rapport avec les planches de comics qu'il peut y avoir, dans la photo. Bah, c'est la bonne idée du court-métrage. Ouais, c'est la bonne idée. Ça m'a pas suffi à passer un bon moment devant, tellement tout le reste est décousu et tellement ça dure trop longtemps. Hein, moi. Oui, voilà, c'est ça le problème. C'est que c'est l'unique bonne idée, mais bon, non. Non, ça ne suffira pas. Ah, par contre, là, on sent vraiment plus le côté amateur chez ces acteurs-là que chez tous les autres. Hein. Ouais, c'est peut-être celui où ça se sent le plus, t'as probablement raison, effectivement. Même si ça se sent chez certains, hein, dans le Malice. Mais non, voilà, oui, pour 2-3 idées visuelles, il peut être intéressant, mais globalement, si vous tombez sur le DVD à plus d'un euro, ça vaut quand même, je trouve, pas le coup, parce qu'il y a vraiment que le deuxième segment devant lequel vous passerez à un moment sympathique. C'est ça. Et avec un peu de chance, c'est même facilement trouvable sur le net, tiens. Pas facilement, peut-être pas, mais trouvable en tout cas. Bah au moins les deux premiers, je sais pas. Au moins les deux premiers en VO, ça c'est quasiment sûr. Je sais pas si Killing Time se trouve facilement, du coup. Les VF, des fois, c'est un peu plus compliqué. Ou au pire, vous prenez le DVD anglais avec les trois premiers démons du maïs, où vous aurez le Disciples of the Crow en bonus, si c'est celui-là qui vous intéresse vraiment. Mais précisons qu'il faut vraiment quand même être curieux. Hein. Parce que bon, même un euro, c'est trop. Faut admettre. Voilà. Faudrait faire un coffret avec l'intégralité des démons du maïs sortis jusqu'à présent. Il faudrait faire un coffret avec toutes les merdes que le vidéoclub de Castle Rock s'est infligé. Ouais. Ouais. On va contacter les éditeurs. On va contacter directement des trucs genre Elephant Films et Back Films, hein, vu le niveau des films. On va directement contacter Satan, je pense que ça ira encore plus vite. On va contacter tous les grands démons des différentes religions, et puis voilà. Bon, on va essayer de faire une petite scène quand même des Monts du Maïs. Ça fait un moment, vu que sur l'épisode consacré à l'original de Fritz Kirsch, on avait pris une scène inédite. Oui. Donc ce sera seulement la deuxième fois au final qu'on fera un comparatif de scènes sur les Démons du Maïs, malgré le nombre de films de la saga qu'on commence à avoir fait. Ah oui. Ah oui, effectivement. Hot corn, cold corn, bring along the damage on. Hot corn, cold corn, bring along the damage on. Hot corn, cold corn, bring along the damage on. Fare thee well, Uncle Bill, see you in the morning. Yes, sir. Très bien, nous avons choisi le début de la nouvelle et de l'adaptation. La dernière fois, on avait plus ou moins fait la fin. Donc, Bert et Vicky sont sur une route et vont avoir un petit accident. Et c'est Chris qui va lire. Alors, nous lisons donc le début hein, de Les Enfants du Maïs. Dans l'édition Le Livre de Poche de Danse Macabre, traduit de l'anglais par Loris Muraille et Nathalie Zimmerman. Et nous sommes donc rendus à la page 422. Il y aura quelques coupes dans le texte pour raccourcir un peu la durée de l'extrait. La radio marchait trop fort, mais Bert renonça à baisser le son, car ils étaient une nouvelle fois au bord de la dispute, et de cela, ils ne voulaient à aucun prix. Vicky dit quelque chose. « Comment ? » hurla-t-il. « Baisse ça ! Tu veux me crever les tympans ?» Il se mordit les lèvres pour ne pas laisser s'échapper la réplique qui aurait pu sortir, et fit ce qu'elle lui demandait. Bien que la Thunderbird fût climatisée, Vicky s'éventait avec son écharpe. « Où sommes-nous ? Dans le Nebraska ?» Elle lui jeta un regard glacé. « Mais oui, Bert, je sais que nous sommes dans le Nebraska, Bert, mais merde, vas-tu me dire où nous sommes ? C'est toi qui as la carte, tu n'as qu'à regarder, à moins que tu ne saches pas lire ? Quel esprit ! Grâce à toi, nous avons quitté l'autoroute, comme ça, nous allons avoir le plaisir de contempler du maïs pendant 500 kilomètres, et d'apprécier l'humour et la sagesse de Bert Robeson. » Il serra le volant à faire blanchir les jointures de ses doigts. Il songea qu'il valait mieux le tenir de cette façon, sans quoi il ne pourrait pas résister à l'envie de balancer son poing dans les côtes de l'ex-reine de beauté assise à sa droite. « Ce voyage est notre dernière chance de sauver ce qui peut encore l'être, » se dit-il. « Oui, ça me rappelle la manière dont nous sauvions des villages pendant la guerre. »« Vicky, » commença-t-il, « j'ai fait plus de 2000 bornes d'autoroute depuis que nous avons quitté Boston, en conduisant tout le temps, parce que madame refuse de prendre le volant. « Alors, je ne refuse pas, » rétorqua Vicky, prenant la mouche. « Mais tu sais très bien que j'attrape des migraines dès que je conduis trop longtemps. Quand je t'ai demandé de me guider sur les routes secondaires, tu m'as répondu « Avec plaisir, Bert. C'est exactement ce que tu m'as dit. Avec plaisir, Bert. Alors, je me demande parfois comment j'ai fait pour t'épouser. » En prononçant un simple petit mot. « Aucun patelin entre Gatlin, dit-elle, à 30 km d'ici. Tu te rends compte ? Envisages-tu de t'y arrêter pour que nous mangions un morceau ? Ou bien ton horaire t'interdit-il de t'arrêter avant 2h de l'après-midi comme nous l'avons fait hier ?» Il détourna les yeux de la route pour la regarder. « J'en ai plein le dos, Vicky. Si ça ne tient qu'à moi, nous pouvons faire demi-tour tout de suite et rentrer voir cet avocat auquel tu songeais à t'adresser, parce que tout cela ne nous mène qu'à... » Elle fixait la route des yeux. Soudain, l'expression butée de son visage se mua en surprise, puis en peur. « Bert, attention, tu vas !» À peine avait-il eu le temps de ramener son attention sur la chaussée qu'il voyait disparaître quelque chose sous le capot de sa Thunderbird. L'instant d'après, alors qu'il commençait seulement à freiner, il sentit quelque chose heurter les roues avant, puis les roues arrière de sa voiture. Ils furent projetés en avant, tandis que l'aiguille du compteur passait de 80 à 0 et que les pneus du véhicule dessinaient des traînées noires sur le bitume. « Un chien » murmura-t-il. « Dis-moi que c'était un chien, Vicky. » Elle était devenue pâle comme une morte. « Un garçon. Un petit gamin. Il a jailli du champ de maïs et... Bravo, Tarzan, je te félicite !» Le cœur lui montait aux lèvres. Elle ouvrit précipitamment la portière et se pencha au dehors. Assis raide sur le siège de sa Thunderbird, Bert avait encore les mains posées sur le volant. Pendant un long moment, il n'eut conscience que de l'odeur entêtante de l'engrais. S'apercevant soudain que Vicky était sortie, il jeta un coup d'œil dans son rétroviseur et la vit qui s'approchait, en chancelant, d'une forme indistincte qui ressemblait à un tas de chiffons. C'était une femme naturellement élégante, mais, présentement, elle avait perdu toute espèce de grâce. « Je suis un assassin. Je ne mérite pas d'autre nom. J'ai quitté la route des yeux. » Il coupa le contact et sortit à son tour. Dans le vent gémissant, les plants de maïs de la taille d'un homme paraissaient respirer. Bert entendit les sanglots de Vicky, qui s'était penché au-dessus du tas informe. Il se trouvait à mi-chemin entre la voiture et sa femme lorsque, sur la gauche, une tache d'un rouge éclatant, rouge comme de la peinture au minimum, attira son regard. Il s'immobilisa, fouillant les champs des yeux. Il songea, tout lui était bon pour différer le moment de s'approcher de sa victime, que c'était une année magnifique pour le maïs. Les plants étaient serrés, prêts à porter leurs fruits. On aurait pu errer toute une journée à l'ombre de ces rangées, bien tracées, avant de retrouver son chemin. Mais l'ordre ici avait été bouleversé. Plusieurs plants avaient été cassés et couchés dans tous les sens. Et Burt devinait quelque chose d'autre, là-bas, plus loin. « Burt !» hurlait Vicky. « Viens donc voir, tu pourras raconter à tes copains de poker ce que tu as récolté dans le Nebraska. Viens donc !» La suite se perdit dans de nouveaux sanglots. Son ombre faisait une petite flaque autour de ses pieds. Il était près de midi. Le soleil s'évanouit dès qu'il eut pénétré dans le champ. Burt découvrit une petite flaque de sang. Le bourdonnement paresseux des mouches assoiffées ne cessait que quand elles se posaient pour reprendre aussitôt, comme si elles voulaient avertir leurs semblables de l'aubaine. Un peu plus avant, des feuilles étaient tachées de sang. Il n'avait quand même pas giclé jusque-là. Puis il se pencha au-dessus de l'objet qu'il avait aperçu de la route et le ramassa. Lorsqu'il la rejoignit, Vicky, complètement hystérique, proférait des paroles inintelligibles, pleurant et riant tour à tour. Qui aurait pu prévoir que tout allait se terminer d'une façon aussi mélodramatique? En la regardant, il eut la certitude qu'il ne s'agissait pas de problèmes psychologiques personnels. Il n'en était pas à un tournant particulièrement difficile de son existence, ni rien de tel. Il la haïssait, un point c'est tout. Il la gifla, sans ménagement. Elle s'arrêta net, portant la main à la marque rouge que les doigts de Burt avaient laissée sur sa joue. « On te mettra en prison, Burt, » fit-elle gravement. « Ça m'étonnerait, » répondit-il en posant à ses pieds la valise qu'il avait découverte dans le champ de maïs. « Qu'est-ce que... Je n'en sais rien. Je suppose que ça lui appartenait. » Il désigna le corps étendu sur la route, face contre terre. Apparemment, le garçon avait 13 ans environ. Burt s'agenouilla et retourna précautionneusement le corps. « Je ne veux pas voir ça, » proclama Vicky en détournant obstinément le regard. Mais quand, soudain, deux yeux fixes et sans vie les contemplèrent tous deux, elle se remit à hurler. Une grimace de terreur déformait le visage maculé de terre du garçon. On lui avait tranché la gorge. Burt se leva pour attraper Vicky, qui commençait à vaciller. « Ne t'évanouis pas !» lui ordonna calmement Burt. « Tu m'entends, Vicky ?»« Ne t'évanouis pas !» Retourne à la voiture, mets les clés dans ta poche, prends la couverture qui se trouve sur le siège arrière et mon fusil, puis rapporte-les ici. « Ton fusil ?» Quelqu'un lui a coupé la gorge. Peut-être est-il en train de nous épier. Elle rejeta la tête en arrière et, les yeux grands ouverts, examina le champ de maïs, épousant ses ondulations aussi loin que portait son regard. Très bien, et maintenant la même scène dans l'adaptation. Où est-ce qu'on est ? En Oklahoma. Je sais que nous sommes en Oklahoma, Burt, mais où ça exactement ? La carte est dans la boîte à gants, regarde-la. Tu ne sais pas lire ? Tu pourrais t'arrêter pour acheter des cigarettes, ou ton sacro-saint emploi du temps va nous obliger de continuer jusqu'à 2 heures, comme hier. Bien ce qui me concerne, je suis prêt à m'arrêter tout de suite. Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Vicky, tu me vois, tu m'entends. Oui. Alors retourne à la voiture et ramène-moi la couverture et le fusil. Ton fusil ? Oui, je vais peut-être renverser seulement, mais je vais pas planter ça encore. Mais quelqu'un l'a fait. Donc, comme on le constate, la principale différence, ça va être un net raccourcissement de la scène. Oui. En soi, ça aurait pu marcher. Hein. Alors, un raccourcissement de la scène et le fait qu'il ait un couteau plutôt planté dans le dos plutôt que la gorge tranchée. Oui, probablement pour atténuer un peu la violence. Oui, très certainement. Mais en soi, ça aurait pu marcher, parce que le fait que ça se passe vite, que ça soit expédié plutôt facilement, c'est pas une mauvaise chose. Non, clairement pas. Au contraire, même. Oui. Il n'y a pas besoin de passer 10 000 ans sur une embrouille de couple, quoi. Contrairement aux précédentes versions qu'on a vues. Bah, et même sur la découverte du cadavre, ça peut marcher en nouvelle que ça s'attarde un peu là-dessus, mais c'est mieux si c'est un tout petit peu plus expéditif quand on l'adapte. Oui. Mais comme c'est, comme on l'a dit, plutôt amateur dans le jeu et dans la réalisation, etc., Bah, ça marche qu'à moitié, quoi. La tension est quand même pas des masses là, je trouve. Non, clairement pas. En fait, tout va tellement vite que la tension est totalement absente de l'ensemble du court-métrage. T'as pas le temps de t'attacher, t'as pas le temps de t'installer dans une ambiance, t'as le temps de rien, en fait. Oh, j'imagine que ça, il y aurait eu moyen que ça marche, pour le coup, de oui, le faire oui, rapidement. Oui, oui avec des gens doués derrière, quoi, voilà. Oui. C'est plutôt ça, je pense. C'est que c'est pas exceptionnellement bien fait. Et que même s'ils avaient eu 40 minutes, 50 minutes pour le développer, il n'y aurait pas eu de tension. Oui, c'est pas un souci de durée, c'est vrai. Plutôt un souci de talent derrière. Dans ce contexte-là, je préfère encore que ça soit pas trop long, tu vois. Oui, on est d'accord. Au final. Mais donc voilà, bah, y a pas grand-chose de plus à en dire. Je pense qu'on va pouvoir le classer. Eh ben, allons-y. Très bien, nous n'avons pas besoin de classer la nouvelle, donc qui a actuellement, ça fait un moment qu'on l'a pas fait, mais donc on va le rappeler, la 45e place de notre classement des nouvelles et romans sur 57. Donc c'est une bonne nouvelle, mais pas ultra mémorable malgré ses qualités, voilà, c'était grosso modo ça. Et les films, nous avons aux 5 premières places Carrie au bal du diable de Brian De Palma, Chambre 1408 de Mikael Astrom, No Smoking d'Anurag Kashyap, Dead Zone de David Cronenberg et Shining de Stanley Kubrick. Et aux 5 dernières sur donc 87 au total, Children of the Corn Genesis de Joël Chouasson, The Mangler Reborn d'Eric Garner et Matt Cunningham, Doctor Sleep de Mike Flanagan, You Can't Kill Stephen King de Ronnie Khalil, Monroe Man et Jorge Valdez Higa, et Room 237 de Rodney Asher. Ce truc qui doit probablement être le film préféré de Donald Trump. Oh la vache. Donc, là, pour le coup, je pense qu'on ne va classer vraiment que les Disciples du Corbeau, étant donné que oui. Voilà, les deux autres sont juste des courts-métrages indépendants collés dessus. Donc on va classer, oui, et puis là, pour le coup, ça n'a vraiment rien à voir. Aucun lien ne voilà, relie les trois courts-métrages. C'est pas comme avait pu l'être Quicksilver Highway, par exemple. Ouais, ou les Contes de la Nuit Noire. Oui, voilà. Donc là, vraiment, on ne va classer que le court adapté de King. Ça va aller plus haut que les plus mauvaises adaptations des Démons du Maïs, clairement. Oui. Donc ça va aller pour moi au-dessus des deux de Kirsch et Donald P. Borcher, donc au-dessus de la 72e place déjà. Au-dessus de la 72e, ok. Ensuite, ça va pas non plus ça aller spécialement haut. Voilà. Si je regarde l'adaptation suivante des Démons du Maïs, c'est celle de Greg Spence, enfin c'est une des suites qui est à la 65e place, et pour moi c'est moins bon que celle de Greg Spence. La 65e, tu m'as dit ? Ah, oui. Ouais. Oui, c'est moins bon, parce qu'il n'y a pas le côté fun qu'il aurait pu avoir dans ce Démons du Maïs 4. Ouais, qu'il y a par moment. Une ou deux minutes des Démons du Maïs 4. Voilà. Et puis même... Même si c'est plus long, je pense que je passerai un bien meilleur moment avec un peu d'alcool dans les veines devant un Maximum Overdrive, par exemple. Ouais. Que devant ces 18 minutes de Démons du Maïs. Par exemple. La question après, c'est avec des tours mortels qui posent toujours le même problème, c'est qu'il est vraiment bien fait techniquement, mais qu'on avait un gros souci avec le message. Ouais. Je le mettrais bien soit au-dessus, soit en dessous de Détours mortels, moi. Parce que Détours mortels, son problème, c'est le message sur la loi du talion et sur le Rap and Revenge. Ouais, voilà, global, c'est quoi. Ça. Au-dessus, moi, ça me va. Au-dessus des tours mortels? Ouais. Ouais, ok. Au moins, t'échappes à ce message un peu vomitif, quoi. Très bien, donc les disciples du corbeau prend la 68e place entre Maximum Overdrive et Détour Mortel. Ouais, il est quand même dans la zone basse où se trouvent quasiment tous les démons Limaïs. Pour rappel, on trouve qu'il n'y en a que deux à ce stade-là qui valent le coup de démons Ouais. Limaïs. C'est Children of the Corn Runaway de John Gulager qui n'a rien à voir avec des enfants ni avec du maïs. Mais c'est un film à peu près agréable. Et surtout Children of the Corn de Kurt Weimer qui, pour le coup, est une adaptation avec ses défauts, mais au global plutôt réussie. Et qui a la Yes. 18e place chez nous. Et il y a l'épisode 7 de Guy Magar qui est moyen moins. Ouais, c'est celui qui se passe dans l'immeuble, l'épisode 7 de Guy Magar, qui a la Ouais. 45e place, qui a quelques bonnes séquences, effectivement. Quelques moments où ça réussit presque à poser une ambiance. Voilà. Très bien, et eh bien c'est tout pour cet épisode. Nous se retrouvera dans 2 semaines pour parler du Croque-Mitaine, l'adaptation sortie l'année dernière et la nouvelle, puisque nous n'avons pas encore fait cette nouvelle. Toujours une nouvelle de danse macabre. Ouais, toujours. Vous pouvez en attendant nous retrouver sur les réseaux sociaux. Arrobase cinéma archiviste pour toi sur Twitter, mais également sur Blue Sky. Et arrobase Chris tiré du 6 Lost Tales sur Blue Sky pour moi, n'étant plus sur Twitter. Vous pouvez nous retrouver également sur Twitch, Archiviste du cinéma pour moi et The Lost Tales. Les mots sont séparés par un underscore. Pour toi, avec d'autres personnes, on fait régulièrement des trucs ensemble. Et on va Yes. commencer début septembre une émission signée, normalement. Yes. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, je fais des vidéos sur le cinéma asiatique, n'hésitez pas à aller voir. Ouais, allez voir, c'est bien. J'espère. Ouais, je suis d'accord, c'est vachement bien. J'espère que tout ça vous plaira. Et en attendant, n'oubliez pas, Que le vidéo club de Castle Rock est ouvert 7 7 jours jours sur sur 7, 7, 24 24 heures heures sur sur 24. 24. À plus! Salut!